Le comité régional chinois du comité d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a lancé le 14 une déclaration accusant les autorités sud-coréennes d'avoir empêché la délégation sud de participer aux activités communes nationales prévues à Kaesong par les délégués de différentes couches du nord, du sud et de la diaspora à l'occasion du 16e anniversaire de la déclaration commune du 15 juin.